ce que j'ai pensé. Je n'ai pas voulu t'offenser. Je fume, je m'endors défoncé. Ça m'évite d'être moins anxieux. Je n'ai plus l'impression de vivre. Je gamberge en devenir ivre. Avec toute leur humeur, ils me les brisent. Je les connais bien, mais ils me méprisent. Y'a plus de confiance, mais pour eux, c'est normal. Amitié gâchée, c'est banal. Je suis connu, ben pour moi, c'est pas mal. Si tu perds un proche, je te promets, ça fera mal. Je t'ai dit tout ce que mon cœur savait. Pas dit tout ce que mes yeux ont vu. La galère, je l'ai côtoyé pendant des années. Ça va pas baisser que moi non plus. Que je sois célèbre, je veux aimer son parfum, la douceur de ses lèvres. Maman, je sais pas lui dire je t'aime, alors je lui écris en trois lettres. Quand mes potes sont rentrés, j'ai écrit des lettres. J'ai tourné dans mon ghetto toute la soirée, j'étais bourré. En rentrant à la maison, je me suis marré, vous vous gourrez. Si vous croyez que je vais tout lâcher, je voulais être rappeur pour l'être, me suis arraché. Des fois, je préfère être l'évité que l'invité. Les gens sont là, je me suis fait à l'idée. Des fois, je préfère être l'évité que l'invité. Les gens sont là, je me suis fait à l'idée. Alors mon gros, alors mon gros.